Chapitre 239. Le mérite de l'adoration d'Allah en période de trouble. 1366. D'après Ma'qil ibn Yasar, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui adore Allah en période de trouble obtient la récompense de celui qui a émigré vers moi. » Muslim.